Le matin, il débarque, casquette à l'envers. Un ballon sous le bras, des rêves dans l'univers. Il tende le poing ou les bras pour un check, un câlin. Et nous, on sait déjà que la journée part bien. Des idées plein la tête, de l'énergie à canaliser. Mais toujours partant pour créer, pour oser. Un projet, une expo, ils disent banco. Avec eux, on avance, même quand on n'est pas trop chaud. Nono, les élèves, no, c'est bueno. On essaie l'espagnol, vous dites qu'on dit faux. Nono, les élèves, no, c'est bueno. Même en anglais, on mélange un peu trop. Nono, les élèves, no, c'est bueno. Mais ce qu'on partage, c'est vraiment très très beau. Nono, les élèves, no, c'est bueno. Avec vous, chaque jour, on rigole bien trop. Ils bricolent, ils discutent, ils dessinent sans fin. Un volcan dans la classe, mais jamais pour rien. Ils posent mille questions, ils testent, ils inventent. Et leur sourire parfois ça nous désarme, ça nous hante. On se corrige entre deux mots de travers. En italien ça se dit pas comme ça, maîtresse. Mais ils sont là, attentifs, tendres et vrais. Et chaque jour avec eux nous apprend à aimer. Nono, les élèves, no, c'est bueno. On tente l'allemand et vous rigolez trop. Les élèves, no, c'est bueno. On finit par mimer quand on trouve pas les mots. Nono, les élèves, no, c'est bueno. Mais ce qu'on vit ensemble, ça brille comme un cadeau. Nono, les élèves, no, c'est bueno. Vous êtes notre chance et ça vaut de l'or, c'est beau. Ils posent plein de questions, veulent tout savoir très vite. Et si on se trompe, ils le remarquent tout de suite. Mais dès qu'on lance un projet un peu fou, nouveau, ils sont déjà à fond. Et ça c'est trop beau. Entre deux fous rires, un silence inattendu. Un regard qui dit tout, un petit mot entendu. Des moments suspendus qu'on n'avait pas prévus. Mais qui font de cette classe un monde un peu plus doux. On a rêvé, créé, parfois même galéré. Mais toujours ensemble sans jamais lâcher. Avec vous, chaque jour à compter. C'est pas la fin, c'est juste un bel été. Nono, les élèves, no, c'est bueno. On cherche nos mots, mais vous les trouvez trop. Nono, les élèves, no, c'est bueno. Dans toutes les langues, on vous dit bravo. Nono, les élèves, no, c'est bueno. On vous garde en nous, et ça c'est du costaud. Nono, les élèves, no, c'est bueno. Merci pour tout, c'était du vrai et du beau.